Le maréchal Kim Jong-un a fait fêter l'octogénaire de naissance de Park Jae-un, académicien, professeur et docteur, et directeur adjoint de l'Institut de sciences de l'Université d'agronomie de Wonsan, et le septuagénaire de naissance du directeur de la fabrique de vêtements Una des familles de militaires de Hamun Pangmi-sul, héroïne de travail, qui ont soutenu fidèlement le parti par des succès de travail.